Les traditions sont comme les règles. Elles sont faites pour être brisées ou voire modifiées, mais pas en réanimation. Parce qu'il serait difficile de réorienter Sinistros, lui qui est le modèle parfait de la routine. Par exemple, il y a quelque temps, j'avais simplement échangé les places de l'écarteleur et de la litière de Sinistros de quelques pieds à peine. Sinistros, croyant se rendre à son endroit favori, soit sa litière, ne remarqua rien. Résultat, je me suis ramassé avec deux gobelins. Un avec uniquement des jambes et l'autre avec uniquement des bras. Non, la tête, elle ne compte pas. J'ai dû le recoudre, mais il aura perdu un peu de bourrure. Il ressemble maintenant à un linge à vaisselle, pauvre lui. Donc, pas de rupture de tradition, ce soir, puisqu'étant la dernière émission du mois, ce sera la présentation des albums marquants. Marquants pour les bonnes raisons, à vous de voir. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque Sinistros vous offre un 2 pour 1. Un, c'est amplement suffisant, je vous le jure. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Hunted Incorporated, cause High Pendragon said so. Let's go. Salut, ici Snake de Voivod. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Me and my guys, I tried to give it eye. We'll be on that for you. I'm back. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 27 novembre de l'an de disgrâce 2018, dernière édition du mois des morts, je suis le Dr. Pain Pendragon. Et cette semaine encore, je ferai cavalier seul parce que notre gobelin de Sinistros est porté disparu depuis la semaine dernière. Semble-t-il qu'il aurait été aperçu entre le salon et la cuisine chez lui. Mais on n'en sait pas plus. Évidemment, c'est Dame Nature qui n'est pas comme avec Del Monte, elle n'est pas de notre bord pour encore ce mardi-ci, donc Sinistros aura dû éviter de prendre la route pour des raisons assez évidentes, bien sûr. Quoique moi, j'aurais rien senti, mais bon. C'était la formation canadienne Voivod que vous aurez assurément, et je l'espère, tous reconnus, avec la pièce « Fuck Off and Die », chose qu'on pourrait dire à bien des gens, tiré de ce deuxième extraordinaire album, Roar, qui est paru le 14 mars 1986 sur Combat. Malheureusement, malgré le fait que je dise ce formidable album, parce que, évidemment, c'est, comme je le disais tous les fois, c'est mon album préféré de Voivod encore à ce jour, la production, tant qu'à elle, n'est pas si formidable que ça. Mais, et encore, pour la présentation de cette pièce ce soir, j'aurais fait quelques manipulations audio au niveau de l'égalisation de quelques fréquences pour que ce soit un peu mieux. C'était sous étiquette Combat. Juste avant, nous avions d'Allemagne, Creator, et la... la pièce-titre de ce premier album, Endless Pain, qui lui est paru en octobre 85 sous étiquette Noise. Bien sûr, la pièce titre de Spain, qui, à l'époque, Creator et Destruction étaient passés maîtres dans l'art de revirer les riffs de bord, là, de mettre tout ça à l'envers, là, et pas sans que ça paraisse, mais sans arrêter. quoi qu'il en soit, il reste que cette qualité audio-là n'est pas terrible, elle non plus. Mais malgré le fait que le groupe, qui était un trio à l'époque, soit Ventor, Mary Petrosa et le bassiste de l'époque, Roberto Fiorenti, n'était pas très tight, comme dans le jargon musical, on le dit. L'album demeure avec un certain charme. Il y a des pièces qui sont fort intéressantes dessus. Je pense, par exemple, à effectivement, The Spain, Storm in the Beast, c'était très bon. Son of Evil, ça aussi, ben, ça l'est encore. Mais malheureusement, les pièces, au niveau de la performance et de l'enregistrement, c'est pas tout à fait ça. Quoi qu'il en soit, nous avons ouvert le bloc d'ouverture de cette émission avec Razor de Guelph en Ontario, avec une de mes pièces, ben c'est ma pièce préférée de Razor, mais c'est aussi une de mes pièces préférées du monde du métal, Take the Torch, qui est tirée de cet album, le premier Executioner's Song, qui paraît en avril 85 sous étiquette Viper. Ici aussi, on pourrait décortiquer le tout et de se rendre compte assez facilement, en tout cas, principalement dans Take the Storage, que par moment, on a tendance à revirer un petit peu les trucs à l'envers, là. On devient un peu offbeat, mais ça se replace. Imaginez-vous, quand vous écoutez de bons vieux films western, là, où vous regardez la roue d'un chariot qui va vive allure et que vous avez l'impression que les rayons vont au sens contraire, ce qu'on appelle l'effet stroboscopique, là, au même titre que sur une table tournante, si vous voulez, ben c'est ce que ces groupes-là ont réussi à faire, de retourner en arrière et de revenir. Bon, bref, ceci étant dit, malgré le fait que Sinistros ne soit pas là ce soir, c'était tout de même l'édition qui était consacrée au segment des albums marquants, chose qui sera faite tout de même, ainsi qu'une présentation, celle de Sodom, que je vous présenterai tout à l'heure dans l'émission. Donc, les albums marquants seront respectivement celui de Sinistros, qui sera de Metallica ou de Metallico, selon la région où vous êtes. Ainsi que pour ma part de Slayer on va regarder ça pour tout à l'heure, on en parlera un peu plus, mais ce sera les deux formations sur lesquelles nous sommes arrêtés ce mois-ci. sans plus attendre, je vais quand même vous proposer les premiers choix de Sinistros qui donnent dans un bloc, ma foi, à tendance, je dirais, heavy, progressif, doom par moment. On va entendre une des formations pionnières dans le monde du métal, soit Seraph Angol. On va entendre aussi Hammers of Misfortune, mais tout de suite, une formation qui portait le nom à l'époque de The Lord Will Slaughterfag, qui maintenant fonctionne seulement sous le nom de Slaughterfag, une formation de heavy qui vient de San Francisco. Tout de suite avec la pièce Frost and Fire. Vous êtes à réanimation. We'll be right back. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Vous cherchez un endroit chaleureux pour le temps des fêtes? Vous voulez organiser un 5 à 7 ou un party entre amis ou avec la famille? Réservez au Kiyorama. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, le Kiyorama va vous permettre de passer une soirée mémorable. Réservez votre allée de quilles à l'avance au 819-694-0990. Kiyorama Trois-Rivières! Du plaisir à n'en perdre la boule! À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Avec votre bon Dr. Payne Pendragon, et ce jusqu'à 21h, on vient d'entendre ce qu'étaient les premiers choix de notre absent assistant Sinistros avec Sarit Hongal. Oui! T'as bien raison, Horace. J'ai comme l'impression que Sinistros était nostalgique. Tiré de leur premier album, paru en 1981, la pièce titre de cet album, Frost and Fire. C'est Sarit Hongal, comme je le disais à la présentation du bloc, ça fait partie des vieux pionniers du genre, puisque le groupe a vu le jour en 1972. Mais ce n'est qu'en 81, avec Frost and Fire, qu'ils faisaient paraître leur premier album studio complet. Il y avait eu deux démos en 79 qui avaient probablement amené à cette signature-là de Frost and Fire. Et à noter que la formation, qui est de retour depuis 2015, elle a quand même pris une pause de 23 ans, soit entre 92 et 2015, bien entendu. Formation qui donne dans un heavy à tendance doom, dont les inspirations sont au niveau de la fantasy, de la science-fiction, des trucs comme ça. Et chose à noter, c'est que les deux tiers du groupe sont, ben, je dis quasi originaux, oui, parce que on a Greg Lindstrom à la basse qui est là depuis 72. On a Robert Garvin à la batterie qui est là depuis 72. Tim Baker au vocal est là depuis 76, quand même. Hein? Jim Barraza à la guitare depuis 88. Et ils ont un bassiste qui est là assez récemment depuis 2016 en Jarvis Letterby. Letterby, peut-être. Bon, évidemment, avec les pauses que ça l'a occasionné entre 92 et 2015, je suppose que il y a certains membres du groupe. Oui, Greg Lindstrom aura fait partie de Falcon, une formation que je ne connais pas. Mais bon, toujours est-il que c'est vraiment parmi les vieux routiers de cette scène métallique. Juste avant, nous avions Hammers of Misfortune de San Francisco. Une formation qui serait catégorisée dans le progressif métal. Moi, personnellement, je trouve que c'est vachement poche, là. Je sais, Sinistros, que tu m'écoutes. C'est pour ça que je dis ça. Une formation qui a vu le jour en 1995 sous le nom de Unholy Cadaver. Ben, Hammers of Misfortune, malheureusement, même si le nom, je l'aime pas, je trouve que ça sonne mieux. Une formation qui est active, comme je le disais, dans le monde du métal progressif. Et on a entendu une pièce extraite de leur sixième album, Dead Revolution. Et c'était la pièce titre. Coudonc, Sinistros, était-tu parti sur des pièces titres, quoi? On dirait. Paru le 22 juillet 2016 sur Metal Blade. Et on a ouvert avec Slough Feg de San Francisco. Tell Metallica. Avec la pièce High Passage, Low Passage, qui est tirée de leur quatrième album. album Traveler, qui est paru le 20 janvier 2003 sur Dragon Art. Et est-ce que Sloth, ben oui, ils existent toujours, effectivement, ben oui. Formation avec laquelle je suis pas tellement familière, je suis pas très porté personnellement vers les groupes à tendance heavy metal plus traditionnels, mais le fait que Sinistro s'en amène à Réanimation pourrait passer pour être une diversité. Ben oui, sans plus attendre, je vais vous présenter, je vais vous proposer la présentation de la semaine, la nouveauté en les Allemands de Sodom. Oui, Sodom, mais je parlais de vieux routiers et des pionniers. Ben, Sodom, c'en est un aussi, puisque eux, ils ont vu le jour, non pas dans les années 70, mais au tout début 80, soit 81, formation qui vient de Westphalia en Allemagne, qui, initialement, donnait dans un black speed metal pour se convertir plus tard vers le thrash metal, tout simplement. Formation qui a quand même une carte routière assez, je dirais, importante, et chose importante aussi, et au risque de me répéter, important, n'est-ce pas? Ben, il n'y a que la moitié du groupe ou à peu près qui soit vraiment là. Si on fait abstraction de Tom and Joel Ripper, qui lui est vraiment le pionnier et qui l'a depuis le tout début, il reste Frank Blackfire, lui qui est là depuis 87, qui était parti, qui était là pendant une année, mais qui est revenu seulement en 2018. Donc, c'est ce qu'il y a de plus près de la formation originale, évidemment, parce que, bon, les groupes qui ont une trentaine, quarantaine d'années comme ça, c'est rare que la formation soit encore intégrale de telle l'origine. Toujours est-il que le 23 novembre dernier, ça c'est vendredi dernier, Sodom nous proposait la sortie d'un EP, un très petit album de deux nouvelles pièces, à laquelle ils ont ajouté une version spectacle de Tyrant Red. L'album porte le nom... le EP porte le nom de Partisan. Et je dois dire, honnêtement, que j'ai été très agréablement surpris de ces deux nouvelles pièces qui peut-être présagent un nouvel album complet pour 2019. C'est assez simple de lire ma chronique comme ça. Deux pièces seulement accompagnées d'une pièce en spectacle. Oui, simplement deux pièces, mais deux bonnes pièces et une bonne production. Par contre, je dois dire que ce n'est pas l'aspect graphique de la chose qui m'aura attiré, parce que je trouve que la présentation est très étrange. Le genre maladroit des années 80, à l'époque des dessins à main levée, où tout le monde s'improvisait dessinateur pour faire les pochettes ou les de leur démo de groupe ou de leur album, entre guillemets, où tout le monde pensait avoir sorti comment pourrais-je dire, la Mona Lisa, si on veut, de la pochette métal, et souvent c'était très maladroit. Ben, c'est un peu à l'instar de cet album, Partisan, ce mini-album de Sodom, qui, si on se fiait au contenant, on aurait peut-être des... Ben, en tout cas, moi, j'avais des restrictions pour le contenu, mais malheureusement, heureusement, dois-je dire, plutôt, je ne suis pas arrêté à cela, et je suis allé explorer ces deux pièces qui sont fort correct, voire fort efficace. Je vous les propose à l'instant, soit les pièces titres Partisan et Conflagration Sodom. Let's go! Blind design. Sodom. Ils inspirent la forme avec ces deux pièces. Tom and Joe Ripper semblent être vraiment, vraiment en forme. La pièce est en Conflagration qu'on retrouve sur ce mini-album, ce EP Partisan qui est paru vendredi dernier, soit le 23 novembre, sous étiquette Steam Hammer. Et l'autre pièce qui accompagne cette pièce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce titre Partisan. Les deux pièces m'ont beaucoup inspiré, honnêtement, dans le genre thrash metal. Je trouve que c'est très efficace. Sodom a été un peu comme je le disais en début de bloc avec Creator, avec je parlais de Destruction aussi. Sodom, c'était un peu le même genre. C'était un peu le genre de groupe tout croche qui voulait énormément, mais qui ne pouvait peut-être pas tant que ça, mais avec le temps, ils sont devenus très efficaces. Et je pense que dans le monde du thrash metal, Sodom est un incontournable. On va aller en pause publicitaire et je vous reviens tout de suite après avec la petite chronique cinéma. Vous cherchez un endroit chaleureux pour le temps des fêtes? Vous voulez organiser un 5 à 7 ou un party entre amis ou avec la famille? Réservez au Diorama. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, le Kiorama va vous permettre de passer une soirée mémorable. Réservez votre allée de quilles à l'avance au 819-694-0990. Kiorama Trois-Rivières! Du plaisir à n'en perdre la boule! Pour entendre la meilleure musique et commencer la semaine du bon pied, écoutez Les Palmarès C'est Fou. En direct, tous les lundis matin, de 7h30 à 9h30, sur votre Radio Campus, le 89.1 FM. Nouveauté chez Slam Disc, les messieurs. Finaliste du cabaret festif, gagnant du combat des bands, les messieurs présentent leur premier album réalisé par Danny Placant. Disponible maintenant partout, en magasin et en ligne. Fou de vitamines. C'est fou, 89.1. I'm back. Cinéma. Wow. Ce vendredi, sur grand écran, en salle, c'est la sortie du film The Possession of Anne Grace, qui est une comédie musicale mettant en vedette Bourvil. Non, c'est faux. C'est une comédie musicale, mais qui ne met pas en vedette Bourvil. Non, c'est pas une comédie musicale, c'est un drame d'horreur, bien sûr. Donc, ce vendredi, The Possession of Anne Grace. Dans ce que j'ai écouté depuis la dernière émission, Mission Impossible Fallout, film d'action thriller avec Tom Cruise aussi en tant que comment on dit déjà réalisateur, non, producteur. Henry Cavill et Ving Rhames, c'est le sixième volet de cette saga de Mission Impossible, toujours interprété par Tom Cruise, que je trouve être un très bon acteur, et encore plus ici, impressionnant du fait qu'il a réalisé tous les cascades qui impliquent ces scènes. Il y en a quelques-unes que personnellement j'aurais carrément refusé. D'ailleurs, il s'est blessé lors d'une de ces cascades en sautant entre deux édifices relativement hauts. Et chose intéressante, petit clin d'œil, c'est qu'ils ont gardé la scène alors qu'il atterrit sur le toit et qu'on voit visiblement qu'il a le pied brisé. Mission Impossible Fallout, c'est probablement l'un des meilleurs l'un des meilleurs films d'action de l'année. Au même titre un peu que j'en parlais il y a quelques semaines d'Equalizer 2. C'est vraiment une belle réussite. C'est délectable comme film, Mission Impossible. Moi qui aimais énormément jadis la série télévisée, qui était beaucoup moins spectaculaire, bien entendu, mais fort audacieuse pour l'époque, je dois dire. Ici, on retrouve un film d'action rempli de toutes sortes de gadgets, de scènes d'action qui sont, je me répète, mais fort audacieuses, d'effets spéciaux et d'interprétations qui sont tout à fait correcte, voire excellente. Donc, et je le dis dans la chronique que j'ai fait sur réanimationad.com, Tom Cruise est parfait dans ce rôle de Hayton Hart. Il est très bien supporté par Simon Pegg. Si vous ne replacez pas Simon Pegg, là, repensez à Shaun of the Dead. Et c'est lui d'ailleurs qui amène un petit peu l'aspect un peu plus, je dirais, rigolo dans le film. Et Ving Rhames est très bien aussi. Qui jouait le rôle de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction? Donc, Fallout, Mission Impossible, c'est vraiment un très bon film d'action. Aussi, autre truc, série, mini-série, qui m'a été conseillée par une de mes copines, pour ne pas la nommer, Miss L'Écureuil, qui m'a parlé d'une saison qui s'appelle Bodyguard, d'une série qui s'appelle Bodyguard, une mini-série en 6 épisodes, britannique, qui met en vedette Richard Madden. Et Richard Madden, ça vous dira peut-être rien comme ça, mais c'est Robb Stark de Game of Thrones. Et qui raconte les péripéties d'un ancien militaire devenu garde du corps pour une ministre, au gouvernement bien entendu britannique, et qui, de fil en aiguille, verra des complots s'immiscer pour éliminer cette ministre-là, et sera en train de porter le chapeau, alors que, de façon désespérée, il tente de prouver l'inverse, mais il a de graves problèmes, des problèmes familiaux. Il a des problèmes de... Il tente à consommer un peu trop d'alcool qu'il devrait en faire. Et à l'occasion, il semble perdre le contrôle aussi de lui-même. Donc, c'est une bonne série télévisée. 6 épisodes d'environ 1 heure. Ça s'écoute très bien. C'est original. Ça pourrait rappeler un peu, si vous avez déjà été amateur ou avez déjà vu la série... Homeland, voilà, Homeland. C'est un peu dans le même esprit, peut-être un petit peu moins développé qu'Homeland, mais quand même, on a un aspect terrorisme dans tout ça, et puis, bon, c'est bien, c'est divertissant. Et c'est drôle de voir Richard Madden dans un autre rôle. Évidemment, ces gens-là deviennent étiquetés facilement avec des séries télévisées qui sont très populaires comme Game of Thrones. Et je trouve toujours bien de voir qu'un acteur peut faire autre chose, mais se faire bien remarquer dans autre chose et de bien mener des rôles différents. Donc, c'est le cas avec Madden dans cette série Bodyguard. C'est le segment des albums marquants qui débute à l'instant avec le choix de notre ami Sinistrose. Et comme on dit, les absents ont toujours tort, eh bien, je ne le passe pas parce que c'est Metallica. Non, c'est Metallica. Metallica, ça, je peux passer ça. Surtout le premier album. Donc, Sinistros a choisi le premier album de Metallica, Kill 'Em All, qui est paru le 25 juillet 1983 sur Megaforce. Et c'est un excellent choix, je dois le dire. Je peux dire ça parce qu'il n'est pas là. Parce que définitivement, lorsque cet album est paru, il a complètement renversé, pour pas dire bouleversé, les écoutes musicales des amateurs de métal de l'époque, qui, soit dit en passant, c'était déjà ancré parmi nous, le métal, mais c'était quand même très jeune, pour ainsi dire, dans son appellation propre de ce qu'on qualifie être du métal aujourd'hui. Lorsque Metallica est arrivé avec cet album-là, ça a fracassé les barrières, c'était incroyable. C'est un album qui a été et reste toujours un classique. Et je pense que, pour ne pas faire comme à l'habitude d'aller chercher les pièces classiques de cet album, Sinistros a choisi des pièces qui sont quand même assez intéressantes. Donc, il aura choisi 3 pièces issues de cet album. Dans cet ordre, The Four Horsemen, qui sera suivi de No Remorse et sera conclu par Metal Militia. Ça me fait penser à DJ Tower of Death, ça. Donc, Metallica, tout de suite, dans les albums marquants Made in Sinistros. Mais, j'étais après à me poser une question. Je vais passer la pub avant, je pense. Je l'ai-tu fait? Oui, je l'ai fait. Metallica. Yeah. aimes la pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos deux pour un. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte le restozone.ca. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. C'est fou, 89.1. Eh bien, Sinistros n'est pas là, mais je l'entends quand même pleurer. Oh là là. Quoi? Tu viens de comprendre que ça se pouvait pas que Sinistros se perde dans le entre le salon et la cuisine chez lui. Une rapidité extraordinaire, mon cher Horace. Avant cette pause Metallica, oui, cette pause publicitaire, c'était justement Metallica. Le choix album marquant de Sinistros avec les pièces suivantes, Metal Militia, No Remorse et The Four Horsemen, qui sont parus sur ce premier album le 25 juillet 1983. Sous étiquette de Megaforce. Et je vous jure que lorsque cet album est sorti, j'étais là. Et je me rappelle parfaitement que le Rockmaster et moi avions un ami à l'époque qui nous avait dit « Venez dans ma voiture, je vais vous faire écouter quelque chose. » Et il nous avait fait écouter « Kill 'Em All » avec la première pièce « Hit the Lights », et le Rockmaster et moi, on en revenait tout simplement pas. On était assis tous les deux sur la banquette arrière de la voiture de notre copain, et puis on était comme « Wow, mais qu'est-ce que c'est ça, là? » Ça venait de fracasser tout. On dit Metallica qu'ils étaient le groupe ravageur du début des années 80. Je le crois assez facilement. Eux qui étaient foncièrement trash metal. Ils sont devenus par la suite hard rock et aussi poche et plate. Mais bref, pour une formation qui a vu jour en 81, je dois leur concéder quelque chose. C'est qui, malgré vents et marées, malgré tous les tourments qu'ils ont vécu, les dissensions, les bagarres, j'en passe et des meilleurs au sein du groupe, ils sont toujours là. Est-ce que c'est pour le mieux? Je sais pas. Personnellement, moi, je ne suis plus capable d'écouter ça du tout, là. Ça correspond plus du tout à ce que je m'attends de la musique. Mais, ils ont été très importants dans ce mouvement métal. En ce qui concerne mon choix d'album marquant, ce mois-ci, il s'adressera à la formation de Los Angeles Slayer, un autre incontournable, qui sont arrivés un petit peu après, en fait, je dirais un petit peu après. Le premier album de Metallica est 83, le premier de Slayer aussi est 83. Mais celui de Metallica avait déjà fait pas mal de ravages, faut dire. Slayer, formation qui a vu jour en 81 également. Formation typiquement de trash metal, mais qui, eux, sont demeurés trash metal. On ne peut pas dire de tous les albums de Slayer qu'ils sont excellents. On ne peut pas dire qu'ils sont tous bons, mais on peut dire qu'ils en ont des sacrément bons, par contre. Personnellement, j'ai arrêté mon choix sur l'album Hell Awaits, qui est le deuxième. Si on fait abstraction du mini-album EP Haunting the Chapel, qui est très bien aussi, L.O.A. c'est le deuxième album, et c'est avec cet album que Slayer m'a vraiment accroché. Non pas que je n'avais pas apprécié Show No Mercy, parce que là aussi, avec la découverte de Show No Mercy, on était rendu à un échelon encore plus élevé que ce que Metallica nous avait fait connaître, quelque chose encore plus démentiel, ben, principalement avec les solos de Kerry King, qui on a toujours eu l'impression que c'était n'importe quoi, alors que non. Il les refait quasi intégralement en spectacle, mais c'était très, très éclaté. Moi, Hello Waits était l'album qui m'a vraiment ouvert à cette exploration du plus, si on veut, pour le dire ainsi. Parce que je me rappelle encore assez bien lorsque la première pièce titre Hello Waits avait débuté. On a l'impression d'assister à une forme d'incantation, de messe noire, de sacrifice. Je me disais, wow, eux autres, ils ont compris quelque chose. Le métal, c'est pas pour les enfants de cœur. Dont je ne suis pas bien sûr. Donc, je vous propose d'écouter la face A de cet album. Pardon, Hello Waits. Avec les pièces Hello Waits, bien entendu. Ouverture de cet album, Kill Again et At Dawn They Sleep. Slayer, Hello Waits. Let's go. Home. They didn't see the

Well, 20h47, l'émission tire à sa fin. Vous venez d'entendre ce qui était mon choix d'album marquant du mois de novembre en Slayer et l'album Hell Waits, deuxième album de la formation américaine-californienne, paru le 2 avril 1985 sur Metal Blade, à l'instant à Down They Sleep, précédé de Kill Again, et en ouverture, bien sûr, la pièce titre Hell Waits, ce qui représente la face A de cet album, qui est toujours tout aussi captivant et délectable à écouter. Je vous rappelle que ce vendredi, ici même à Cifou, 89.1 FM, dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est l'émission de mon ami le rockmaster Alain Lefebvre, rock classique. Je n'y serai pas cette semaine, mais Alain sera certainement vous divertir avec ses bonnes petites blagues, non pas du tout, avec ses segments, tels les éphémérides, les groupes obscurs, ainsi que les albums classiques de plus. Alain meuble toujours le tout avec toutes sortes de petites mistures rock fort intéressantes, dont de 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock, rock classique avec le Rockmaster. Aussi, ce n'est pas cette semaine, l'émission de notre ami DJ Tower of Death Subversion. C'était vendredi dernier, c'est aux deux semaines, mais si vous avez raté celle de la semaine dernière, c'est toujours disponible sur SoundCloud. Aussi, le blog de notre ami Sinistros, hurlement.com. Sinistros qui peut-être, si nous sommes... si vous êtes chanceux et moi malchanceux, sera de retour la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on va se laisser sur ses choix musicaux. Un bloc forte tendance métal progressive dans lequel on va entendre Atheist de Floride avec Fraudulent Cloth, tiré de Jupiter, le quatrième album paru le 8 novembre 2010. Alarum de Melbourne en Australie et de Signal, tiré de leur troisième album Nocturnal Causes, paru le 18 octobre 2011. Ainsi que nos Voivode canadien, québécois, de Jonquière et Montréal, bien sûr, maintenant. Et Psychic Vacuum, qu'on trouve sur Dimension Atroce, le quatrième album de la formation, paru le 29 juin 1988 sur Maze. Et un dernier mot de la fin, Horace. Oui, tout à fait intéressant. Je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être avec Sinistros, pour la première édition du mois de décembre. En fait, il y aura trois émissions en décembre avant la pause de la période des fêtes. Et ce sera la métallographie. Voici. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. See you! Patience.